Ok. On va commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on continue dans notre lecture du livre de Cheikh al-Imam al-Sabouni, rahimahullah, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Avec le charh de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafizahullahu ta'ala. Et on est arrivé donc, toujours, on est toujours dans le chapitre où le Cheikh explique l'istiwa Allah ala arshihi, yani parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé sur son trône. Donc, on continue donc dans l'explication de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-istiwa, fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et qu'il s'élève au-dessus du trône. Et on a mentionné les preuves à ce sujet-là dans les cours précédents. Ça fait maintenant plusieurs cours qu'on a fait, peut-être c'est le troisième cours aujourd'hui dans ce chapitre. Donc maintenant on va expliquer d'autres preuves que le cheikh a mentionnées à ce sujet. Parmi les preuves qu'il a mentionnées, il dit wa qawluhu ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib qawluhu yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi wa qawluhu a'amintum man fi as-sama' an yakhsifa bikum al-ard a'amintum man fi as-sama' an yakhsifa bikum al-ard وأخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون اللعين أنه قال لهامان وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا يعني في قوله أن في السماء إلها نعم donc ici ça c'est parmi les preuves que l'imam al-Sabouni il a mentionné à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et qu'il est élevé au-dessus de sa création. Il a mentionné premièrement le verset 10 dans sourate Fatir dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ C'est-à-dire, c'est vers lui que s'élève la bonne parole. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est vers lui que s'élève la bonne parole. Et la bonne action l'élève vers lui. Donc ça, c'est le premier verset. L'autre verset qu'il a cité, c'est le verset 5 dans surat al-Sajda. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, c'est lui qui gère toute l'affaire, il gère toute la création. C'est lui qui gère et qui contrôle le commandement et l'ordre de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ Et puis il remonte vers lui. Et donc, ça c'est un autre exemple. Ya'ruju ilayh, c'est-à-dire il s'élève vers lui. Le verset 16 également dans sourate Al-Mulk, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard. C'est-à-dire pensez-vous que vous êtes en sécurité, que vous êtes en sécurité vis-à-vis de celui qui est dans les cieux, qu'il fasse que la terre vous engloutisse. Vous pensez-vous à l'abri? Vous pensez-vous en sécurité que celui qui est dans les cieux fasse que la terre vous engloutisse? Et ça c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il est dans les cieux puisque il dit a'amintum man fis sama. Donc celui qui est dans les cieux c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un autre exemple qu'il a cité le cheikh c'est le verset 36 et 37 dans sourate Ghafir. Et dans ces versets là en fait c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne les propos de Pharaon lorsqu'il s'adresse à son ministre Haman et donc il lui dit Ya Haman, ô Haman, construis-moi une tour. Et venez les sarhan. La'alli ablughu al-asbab. Pour que je puisse atteindre les voies des cieux. C'est-à-dire pour que je puisse arriver très haut dans le ciel. Comme si, il dit, et apercevrai-je le Dieu de Moussa, la divinité de Moussa, mais je pense que celui-ci est un menteur. Donc c'est comme si le cheikh, il explique que ça c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création, puisque Pharaon, quand il dit, construis-moi une tour pour que je puisse monter dans les cieux, pour voir si réellement, le Dieu que Moussa alayhi salam adore est réellement dans les cieux. Et ça c'est la preuve que il a entendu Moussa alayhi salam qui lui disait que son Seigneur était dans les cieux. C'est pour ça qu'il dit wa inni la adhunnuhu kadhiba, c'est-à-dire je crois qu'il est menteur dans le fait qu'il dit que son Seigneur est dans les cieux. Donc ça c'est une preuve qui est une preuve qui est déduite de cette parole là. C'est-à-dire que à partir de cette parole, on peut déduire que ça prouve que Moussa alayhi salam lui avait mentionné le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux au-dessus de sa création. Et ensuite, le Cheikh Rabi, hafizahullah, il fait un commentaire sur ces versets-là. Et donc, il va clarifier la signification de chacun de ces versets. Donc, il dit, « Wa min al-adillati ala uluwi Allahi subhanahu wa ta'ala wa annahu ala al-arsh, qawluhu ta'ala, ilayhi yas'adu al-kalimu al-tayyibu wal-amalu al-salihu yarfa'uh. Ilayhi, ila man? Ila Allah, yas'adu. » السعود إلى أين؟ يكون إلى فوق أو إلى أسفل أو يمينا أو يسارا. الشيخ يسأل السعود إلى أين؟ يكون إلى فوق أو إلى أسفل أو إلى أو يمينا أو يسارا. السعود يكون إلى أعلى. يصعد إلى الله العمل الطيب. وترفع الأعمال إلى الله. تبارك وتعالى يصعد بها الملائكة إلى الله عز وجل. العمل الطيب هو العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى، تحتفظ به الملائكة وترفعه إلى الله، وتنزل ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهكذا الأعمال الصالحة تسعد إلى الله، ولو كان في كل مكان كما تقول الجهمية ما يحتاج إلى أن نقول تصعد إلى الله عز وجل، ولا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من يرفعه؟ في أحد التفاسير أن الله هو الذي يرفعه، وفي تفسير آخر أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، ولكن الظاهر أن العمل الصالح يصعد إلى الله، والكلم الطيب يصعد إلى الله. Donc ici le cheikh il explique que parmi les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est élevé sur son trône, il y a la parole dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u, ce qui signifie c'est vers lui que s'élève la parole, la bonne parole ainsi que la bonne action, il l'élève vers lui. Donc le cheikh il explique que donc sa'uda yas'udu ça veut dire s'élever, monter, s'élever. La même chose avec rafa'a yarfa'u, ça veut dire également monter ou s'élever. Et il dit ilayhi en arabe ça veut dire vers lui, donc il monte vers lui. Donc le cheikh explique, il dit quand tu montes tu montes comment? Est-ce que tu montes en bas? Tu montes à gauche? Tu montes à droite? Non. Quand tu montes vers le haut. Tu montes pas vers le bas. Hein? Donc, c'est comme qu'est-ce qu'on appelle un pléonasme. Hein? Pléonasme. Je pense que c'est ça le pléonasme. Quand tu dis monter en haut. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de monter que monter en haut. Hein? Mais on a l'habitude, je vais descendre en bas, je vais monter en haut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pléonasme. Donc, as-su'ud yakunu ila a'la. Donc, on monte vers Allah. Donc, les bonnes œuvres, elles montent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, élève vers lui les bonnes œuvres. Et les anges font élever ces bonnes œuvres vers Allah. Donc les bonnes œuvres, ce sont les œuvres qui sont acceptées par Allah. Hein? Et les anges gardent ces actions-là et les élèvent vers Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a des anges qui descendent et qui montent vers lui, qui descendent vers les hommes et qui remontent vers Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et il mentionne que les anges, ils se relaient. Il y a des groupes d'anges pour la journée et des groupes d'anges pour la nuit. Donc c'est comme si ils se partagent le travail. Il y a une partie des anges qui travaillent le jour et qui recueillent les œuvres des hommes pendant la journée. Et il y en a d'autres, ils font ce travail-là, mais la nuit. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils se rencontrent à deux moments, pendant le jour et la nuit. Une fois à la prière de Fajr, ils se retrouvent, c'est-à-dire les anges de la nuit et les anges du jour, ils se retrouvent à la prière de Fajr, et ils se rencontrent également à la prière de Asr, pendant la journée. Et c'est à ce moment-là qu'ils se font le relais, hein, ils font l'échange. Donc ceux qui étaient là ceux qui étaient par exemple à la prière de Fajr, ceux qui étaient là pendant la nuit, ils remontent vers Allah. Tandis que ceux qui viennent de descendre, eh bien eux ils vont rester là pour la journée, pour enregistrer les œuvres des croyants. Et donc c'est pour ça que ces deux prières ont une importance particulière parce que c'est le moment dans lequel se relaient les anges. Et donc, le hadith, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il demande aux anges, lorsqu'il y a ce relais, et que les anges qui ont passé la nuit avec les serviteurs, avec les êtres humains, ils remontent vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala leur pose la question, alors qu'il sait mieux qu'eux. Il leur pose la question, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Les anges répondent et ils disent, nous les avons laissés alors qu'ils font la salat. Et les autres disent, nous sommes arrivés vers eux alors qu'ils faisaient la salat. Donc ça c'est les deux groupes. Et donc c'est pour dire que ils ont trouvé les serviteurs dans la meilleure adoration, dans une des meilleures adorations qui est la salat, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient à ces deux moments-là. Donc les bonnes œuvres, elles s'élèvent vers Allah et il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala, comme prétendent la secte égarée parmi les sectes, celle qu'on appelle la secte des Jahmiya. Et on a parlé de cette secte-là à plusieurs reprises depuis les cours qu'on a commencé dans ce livre et dans d'autres cours également, parce que c'est eux en particulier qui contredisent la sunna et la aqida des salaf au sujet des attributs d'Allah. Donc les Jahmiya, c'est une des sectes les plus extrémistes et les plus égarées dans ce sujet-là. Et en grande partie, les Jahmiyas, on peut dire que ce sont des hérétiques. C'est des athées en réalité. Ils ne croient pas en la religion. Ils n'ont pas de pays. C'est-à-dire que tu peux les trouver dans différents pays. Peut-être qu'à l'époque, quand ils sont apparus, c'était un peu dans la région de l'Irak ou cette région-là. Mais sinon, ils n'existent plus en tant que groupe aujourd'hui, en tant que secte organisé. Tu vois, c'est pas comme les Shia, par exemple, la Rafida, ou bien, par exemple, le Soufia, ou bien Asha'ira. Non, les Jahmiyyah sont morts. Ils n'existent plus en tant que secte. Sauf que certaines de leurs croyances, elles persistent. Et elles ont incorporé même certaines autres sectes. Elles ont influencé même d'autres sectes. Donc, tu vas trouver, par exemple, parmi des sectes qui existent actuellement, certaines de leurs croyances qui ont été empruntées de la secte des Jahmiyyah. Ou des croyances que les Jahmiyyah avaient qui ont influencé certaines croyances que certaines des sectes actuelles, par exemple, ont propagé ou enseignent aux gens. Et c'est pour ça donc qu'on met toujours en garde, malgré que la secte n'existe plus, mais on continue quand même à mettre en garde contre cette secte et contre leurs croyances à cause des restants de la croyance de cette secte qui persiste et qui perdure parmi les musulmans. Comme par exemple, aujourd'hui, si tu demandes à certains musulmans où est Allah, ils ne vont pas te répondre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, ou bien comme la réponse que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la jeune fille esclave, quand le sahabi est venu l'amener au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il l'avait frappé, hein, et donc il avait senti qu'il a fait quelque chose de mal. Alors il a dit au messager d'Allah, « Ô messager d'Allah, est-ce que je dois la libérer, cette esclave, parce que je l'ai frappé ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, « Ain Allah ?» Et elle a répondu, elle a dit, « Fis sama. » Et après, il lui dit, « Waman ana ?» قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه il a dit où est Allah, elle a dit dans les cieux. Et après il lui a posé la question, qui suis-je, elle a dit tu es le messager d'Allah. Alors il a dit libère-la, c'est une croyante. Donc ça c'est la preuve que yani ça c'est la aqida des musulmans et ça c'est ça que le musulman doit avoir comme croyance. Pourtant aujourd'hui si tu demandes à certains parmi les musulmans où est Allah, ils vont te dire, yani, il est partout, hein, comme certains qu'ils disent. Ils vont dire, yani, fi kulli makan, d'accord? Ou bien, il y en a d'autres qui vont te dire, yani, mawjoudun bila makan, comme j'entends, par exemple, chez les Ahbash. Hein, ils rentrent dans la philosophie, et puis ils veulent philosopher avec toi. Alors, ils te disent, mawjoudun bila makan, il existe sans endroit, ou sans lieu, ou sans espace. Tout ça, c'est des bid'a. Et c'est des paroles sans science. Et c'est des égarements. Et même, ça peut tomber même dans le coffre. Parce que ça peut même être compris comme étant une négation même de l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les paroles des mutakallimin, des gens de kalam, des philosophes, qui ont été influencés justement par la philosophie, comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyya, tous ces différents groupes, il y en a parmi eux qui existent, comme les Mu'tazila, ils existent aujourd'hui encore, parce que les Shia sont des Mu'tazila, en grande partie leur croyance est la aqida des Mu'tazila. Ils nient les attributs d'Allah, et ils nient les actions d'Allah, d'accord? Et la aqida, par exemple, des Asha'ira et des Maturidiyya, ça c'est celle qui est le plus répandue dans certains pays, surtout par exemple dans les grandes écoles dans certains pays arabes, c'est la aqida ash'ariya qu'ils enseignent. Alors que la aqida ash'ariya, elle est apparue comme 5 ou 600 ans après la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle est venue, elle s'est répandue vraiment tard, de façon, yani tardivement, par rapport hein, à l'histoire de l'islam. Et le fondateur de cette aqida, yani Abu al-Hassan al-Ash'ari, Il est né en 260 Hijri. Et ça veut dire après la mort des quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Tous ces quatre imams-là, qui sont des imams d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils sont tous nés et morts avant la naissance de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et c'est pour dire que cette aqida d'Abu al-Hassan, elle est en contradiction avec la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, et surtout lorsqu'on sait qu'il a vécu pendant 40 ans, sur la aqida des Mu'tazila. Lui-même, son beau-père, le mari de sa mère, il était une des têtes de la secte des Mu'tazila. Hein? Donc, il a grandi avec l'éducation de celui qu'on appelle Al-Jubba'i. C'était lui la tête des Mu'tazila. Donc, pendant 40 ans, Abul Hasan al-Ash'ari, il a été Mu'tazili. Puis, c'est à la fin, arrivé à 40 ans, qu'il s'est repenti publiquement de cette croyance et de cette secte, et qu'il a prétendu que, là, ça y est, je suis plus avec les Mu'tazila, je reviens, yani, à l'islam authentique. Sauf que, hein, il y a eu une période, si on veut, de transition entre sa sortie de la secte des Mu'tazila et la période où il est réellement revenu à la croyance de Ahl Sunna, en grande partie. Ça, c'était uniquement, yani, une période de transition entre les deux. Lorsqu'il est sorti de la secte des Mu'tazila, il n'était pas rentré complètement encore dans la Sunna. Il avait beaucoup d'innovations et beaucoup de bid'a. Et même qu'il a affirmé, par exemple, parmi les attributs d'Allah, il a affirmé 7 attributs. Et les autres attributs d'Allah, il ne les a pas affirmés. Puis, à la fin, plus tard, et ça, certains ulama ont expliqué que c'est parce que par la suite, il a rencontré des imams de la Sunna et des ulama de la Sunna qui l'ont aidé, justement, à se corriger sur ces aspects-là et à revenir à la vraie croyance des salafs et de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit des livres comme par exemple Al-Ibana fi Usul al-Diyana, dans lequel il affirme les attributs d'Allah. De même qu'un autre livre aussi qu'il a écrit qui s'appelle Maqalat al-Islamiyin. Et dans ces livres-là, il affirme les attributs d'Allah et il réfute la aqida des gens de Kalam, ceux qui nient les attributs. Donc c'est pour ça que les ulama, ils disent que l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, il est passé par 3 étapes. Pendant 40 ans, il est né en 260 de la Hijra. Pendant 40 ans, il était Mu'tazili. Ça veut dire qu'à l'an 300 de la Hijra, il a quitté la secte des Mu'tazila. Puis on dit qu'il est mort à l'an 320. Donc ça veut dire qu'il a vécu 20 ans. Pendant une période de ces 20 ans-là, il était dans une période intermédiaire. Et les savants, ils disent que ça, c'était la période Kullabiyya, parce qu'il a suivi un homme qui s'appelait Muhammad ibn Kullab. Et lui, ibn Kullab, il mélange la voix des Mu'tazila et la voix des Ahl Sunna. Donc, il veut essayer de trouver pas un juste milieu. Il essaie de trouver une entente entre les deux. Mais tu ne peux pas mélanger la Sunna avec la bid'a. Parce que si tu fais ça, c'est sûr que tu vas amener des égarements. Surtout si tu te bases sur ta logique pour déterminer ce qui est correct ou non. Donc tu ne peux pas te baser sur la logique pour établir la croyance, pour établir la foi en Al-Ghaib. Parce que Al-Ghaib, ça vient de la révélation seulement, et non pas de la raison. Alors, plus tard par la suite, Abul Hassan al-Ash'ari, il a compris cet aspect-là. Il a compris que c'était une erreur. Alors il a quitté la voie de Ibn Kullab et il est revenu à la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et c'est là qu'il a écrit ces 2 livres que j'ai mentionnés, Al-Ibana fi Usul al-Diyana, et il a écrit l'autre livre qu'on appelle Maqalat al-Islamiyin. Et il a mentionné dans ce livre-là qu'il est revenu à la aqida de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est la aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ça, c'était la dernière partie de sa vie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est mort parmi les gens qui ont la aqida des salafs et de Ahl Sunna. Sauf qu'au début de sa vie et au milieu de sa vie, la première période et la deuxième, il était dans l'égarement. Sauf que les gens qui se disent Ash'ari aujourd'hui, parmi les musulmans dans le monde, ils ne suivent pas sa dernière période, quand il est revenu à la voie de la Sunna. Ils continuent à suivre la période intermédiaire lorsqu'il était sur la voie de Ibn Kullab. Et c'est pour ça qu'on dit que les Ash'ari aujourd'hui ne sont pas sur la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, parce qu'ils contredisent justement la voie des salafs en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les salafs, quand ils réfutent les Jahmiyyah, ils ne réfutent pas seulement la secte de Jahm ibn Safwan, mais il réfute également les Mu'tazila en même temps, les Asha'ira et les Maturidiya. Pourquoi? Parce que tous ces groupes-là ont des erreurs dans l'affirmation des attributs d'Allah. Et en fait, si tu veux comprendre comme il faut, c'est quoi le degré d'erreur qu'il y a dans ces différentes sectes, eh bien, c'est du pire au moins pire. Le pire, c'est les Jahmiyyah. Pourquoi? Parce que eux, ils nient tous les noms et les attributs d'Allah au complet. Et ils disent, ça c'est symbolique, c'est allégorique, c'est pas vrai. Tout ce que Allah a mentionné dans le Coran à propos de lui-même, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna à propos d'Allah, c'est pas réel. C'est pas vrai. Et ils ne croient pas. Donc ils n'affirment rien. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne croit pas qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Aziz, Al-Hakim. Ils disent rien de ça. Ils disent, la seule chose que tu peux dire à propos d'Allah, c'est qu'il existe. Et ça s'arrête là. Et ça, c'est du kufr en réalité. Même les attributs, ils le nient. Donc, ils ne croient ni en ses noms, ni en ses attributs. Ils prétendent être des musulmans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, en réalité, ces gens-là, que, hein, comme par exemple, ils disent, yani, on croit en une divinité qui n'a pas d'attributs et qui n'a pas de nom. Et ça, yani, les ulama, ils les ont réfutés, même que certains, la plupart des ulama d'Ahl Sunnah, comme l'imam Ibn al-Qayyim l'a mentionné, plus que 550 d'entre les imams des salafs ont déclaré les Jahmiyyah comme étant des kuffars. Hein? Et après, il y a l'autre secte qui est en dessous, qui est moins grave, c'est pas les Shia, c'est les Mu'tazila. Et les Mu'tazila, par rapport aux noms et aux attributs, ils sont après les Jahmiyyah. Parce que la différence qu'ils ont avec les Jahmiyyah, c'est que les Jahmiyyah, ils n'affirment ni les noms, ni les attributs. Tandis que les Mu'tazila, eux, ils affirment les noms, mais ils n'affirment pas les attributs. Donc, ils disent, par exemple, ils disent à propos d'Allah, ils disent, il est Alim bila ilm, Qadir bila qudra, Sami'un bila sam'a, Basirun bila basar. Yani, ça, c'est de la philosophie, tu comprends? Donc, c'est de l'égarement, c'est clair. Mais c'est des absurdités comme ça. Il est voyant sans vue. Il est audient sans ouïe. Il est savant sans savoir. Il est puissant sans puissance. Ça ne fait même pas de sens de parler de cette façon. Mais c'est comme ça que ces gens-là ont défini leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama les ont déclarés, ces gens-là, comme étant des égarés, des gens de bid'a. Et ils ont mis en garde contre eux. Et ils ont d'autres égarements aussi dans la croyance. Même les Jahmiyyah, ils ont d'autres égarements aussi dans la définition de la foi et dans beaucoup d'autres aspects. Ensuite, ceux qui viennent en dessous des Jahmiyyah, en dessous des Mu'tazila, par rapport à la gravité, c'est les Asha'ira et les Maturidiya. C'est pour ça que les ulama, ils disent, ils sont plus proches des gens de la Sunna. Mais ça, c'est une explication, c'est un terme, il faut le prendre dans son sens relatif. Pourquoi? Parce que si tu dis que quelqu'un est plus proche qu'un autre, ça ne veut pas dire qu'il est sur le droit chemin. Ça veut seulement dire qu'il est moins égaré que l'autre. Mais il est tout de même dans l'égarement. D'accord? Donc les Asha'ira, eux, ils ont essayé de prendre un chemin intermédiaire, comme je disais tout à l'heure, c'est les Kullabiyya en réalité. Ils affirment les noms et ils affirment 7 attributs seulement. Mais les autres attributs d'Allah, ils ne les affirment pas. Ils ne les acceptent pas. Et ils déforment leur signification et leur sens. Même les attributs qu'ils affirment, les 7 attributs qu'ils affirment, ils ne les affirment pas de la même manière que les gens de la Sunna les affirment. Ils les affirment uniquement en se basant sur leur raison, parce qu'ils disent c'est les sifat al-aqliya, c'est des attributs rationnels, donc ils les affirment par la raison et non pas par la révélation. Et la façon dont ils les affirment, ces attributs-là, contredit la voix de Ahl-Sunnati wal-Jama'a sur plusieurs points. Et on aura l'occasion de mentionner quelques exemples à ce sujet-là. Et les Maturidiya, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose que la voix des Asha'ira Et parmi les Ash'ara, la plupart, c'est ceux qui se disent... tu vois, par exemple, parmi les musulmans qui se disent Maliki ou Shafi'i, hein, tu trouves parmi eux beaucoup de Ash'ara. Et ceux qui se disent Hanafi, tu trouves parmi eux beaucoup de Maturidiyya. D'accord? Donc les Maturidiyya, tu les retrouves surtout chez les Ahnaf, les Hanafiyya. C'est pour ça qu'en Inde, au Pakistan, en Turquie, leur aqida, c'est la aqida des Maturidiyya. D'accord? Ils affirment seulement 7 attributs. D'autres, ils affirment 8 seulement. Et les autres attributs, ils ne les affirment pas. Tandis que chez les Malikiyya et chez les Shafi'iyya, beaucoup d'entre eux, justement, ils sont Asha'ara. Parce que la aqida qu'ils enseignent, par exemple, dans Al-Azhar et Al-Qayrawan et dans le Maghreb, beaucoup d'entre ces pays-là, c'est la aqida Ash'ariya qu'ils enseignent. Ce n'est pas la aqida des salafs. Et ce n'est pas la aqida de l'imam Shafi'i, ce n'est pas la aqida de l'imam Malik, et ce n'est pas la aqida de l'imam Abu Hanifa. Parce que Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, ils étaient sur la aqida des salafs. Sur l'aqida de Ahl Sunnah. Mais c'est des gens qui sont venus par la suite, qui étaient Ash'a'ara, et qui ont imposé ces croyances-là au reste des gens qui font partie du madhab pour qu'ils soient sur cette voie-là. Et par rapport, par exemple, au Malikiyya dans le Maghreb, celui qui a été à l'origine de ce changement chez les Malikiyya, parce qu'à la base, ils étaient tous sur la aqida des salafs. Tu regardes la aqida de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans son livre Ar-Risala. C'est un livre de fiqh. Il est très célèbre. Et c'est un fiqh maliki. Mais l'introduction de son livre, c'est sur la aqida. Hein? Et c'est la aqida salafiyya. Hein? Sauf que ceux qui sont venus après, ils ont changé cette aqida-là. Et parmi eux, il y avait Ibn Tumart. Ibn Tumart, c'est lui qui a été étudié avec Al-Ghazali. Et Al-Ghazali, c'est une des têtes des Ash'a'ira. Il était parti étudier avec Al-Ghazali et il est revenu dans le Maghreb. Et il a ramené avec lui des gens. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui était le Mahdi. Il a dit, moi, je suis le Mahdi. Et il attaquait tous les villages, tous les endroits où il arrivait, il imposait à tout le monde de le reconnaître comme étant le Mahdi et en même temps d'accepter la aqida Ash'ariya. Ceux qui refusaient, il les tuait. Et c'est comme ça qu'il a imposé la aqida à l'Ash'ariya et c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle al-Dawlatul Muwahhidin. C'est eux qui ont formé la dynastie des Mouahidines en Espagne et dans le nord du Maghreb. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu retrouves la aqida Ash'ariya qui est propagée dans la plupart des pays du Maghreb. Hein? Ils disent qu'ils sont Ash'a'ira, mais ils ne savent pas historiquement comment cette aqida-là s'est infiltrée et comment elle s'est imposée et comment elle s'est propagée. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont Malikiyya, mais ils sont Maliki. Ils prétendent qu'ils sont maliki, mais en réalité, c'est maliki seulement dans le fiqh. Mais dans l'aqida, ils ne sont pas sur l'aqida de l'imam Malik. Hein? Et donc, c'est pour ça que des fois, les gens, ils jouent avec ça. Ils jouent avec le madhab. Ils disent, nous, on est maliki. Mais en réalité, ils n'ont rien à voir avec l'imam Malik, même s'ils prétendent être maliki. Parce que l'imam Malik, il n'avait pas cette aqida. Et beaucoup d'entre eux, tu vois que c'est des soufis. Il est soufi, il est Ash'ari dans l'aqida, et puis il prétend être maliki. Mais maliki seulement dans le fiqh. Alors c'est contradictoire en réalité. Et la même chose pour les Shafi'is. L'imam Ash-Shafi'i, c'est un salafi. C'est le compagnon de l'imam Ahmad. Il a étudié avec lui et avec lui. Et il était sur l'aqida de Ahl Sunnah. Il n'a jamais été Ash'ari. Et au contraire, même il réfutait les gens qui niaient les attributs d'Allah. Puis après, viennent des gens qui prétendent être Shafi'i et qui affirment la aqida des Asha'ira. Ça, c'est une contradiction. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ça, c'est important de le savoir et c'est important de le connaître. Hein? Par exemple, tu regardes aujourd'hui beaucoup de gens qui suivent la secte des frères musulmans, ce qu'on appelle l'Ikhwan al-Muslimoun. Hassan al-Banna, son madhab était Hanafi. Il était Hanafi dans le madhab. Et dans Al-Aqidah, il était Ash'ari. Oui, et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Aqaid. Et dedans, il prétend que la voix des salafs, c'est Al-Tafwid. C'est-à-dire, prétendre qu'on ne connaît pas la signification des attributs d'Allah. C'est seulement Allah qui sait qu'est-ce que signifient ces attributs. Et donc, par conséquent, ils utilisent ça comme prétexte pour déformer les sens des attributs d'Allah et de leur donner une signification qui est contraire à la réalité, comme on a expliqué dernièrement, qu'ils disent que al-istiwa, ça veut dire istawla. Hein? Au lieu de dire que le fait que Allah s'est élevé sur le trône, istawa, ça veut dire s'élever sur le trône, eux ils disent non, istawa, ça veut pas dire s'élever sur le trône, ça veut dire conquérir le trône, ou prendre le contrôle du trône, ou prendre le pouvoir du trône. Et on a mentionné les preuves qui indiquent que cette interprétation, elle est totalement fausse. Estaula. Estaula, exactement. Mais eux, ils prétendent que c'est la même chose ou que ça veut dire la même chose ou que c'est dans cette interprétation. Mais ça, c'est clair que c'est contradictoire avec la réalité. Et alhamdoulilah, les ulama les ont réfutés à ce sujet-là. Mais c'est pour dire, Hassan al-Banna, il était sur cette aqida des Asha'ira et il n'avait rien à voir donc avec la aqida des Salaf. Ni dans son manhaj, ni dans sa Aqida. Et en ce qui concerne l'autre groupe qui est bien connu à notre époque, qu'on appelle la voie des Jama'at al-Tablir, hein, qui eux viennent plus de l'Inde et de cette région du Pakistan et de l'Inde, eh bien, le fondateur de ce groupe, c'est Mohamed Elias al-Kandahlawi. Et Mohamed Elias al-Kandahlawi, c'est un soufi, hein, et il sort de l'école Diobandiya, en Inde. Et il y a deux écoles. L'école des Breluya, qui est un groupe soufi aussi, mais peut-être plus extrémiste dans leur khurafat et dans leur shirkiyat et dans les formes d'égarement. Puis il y a le groupe qu'on appelle Diobandiya aussi. Et eux, leur aqida, c'est la aqida maturidiya. Hein, ils renient les attributs d'Allah et ils les déforment. Et dans les questions d'adoration, ils sont sur la voie des turq soufis, différentes turq soufis. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que ces gens-là se sont réunis pour attaquer et combattre la salafia dans le monde musulman à notre époque. Et donc, c'est pour cette raison-là que c'est très important de connaître ces sujets-là et d'être au courant de ça, de ces réalités-là pour s'en préserver, pour s'en protéger. Parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui, hein, ils nous disent, non, tous les musulmans sont pareils. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'entre nous et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus que 1400 ans qui nous séparent et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait averti qu'il y allait avoir des divisions, qu'il y allait avoir des divergences et que seuls ceux qui s'accrochent à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à la voix des compagnons vont être sauvés. Et les autres groupes, eh bien, selon leur degré de déviation ou leur degré d'égarement, ils vont s'éloigner de ce droit chemin, hein, de façon qui est proportionnelle à leur éloignement par rapport à l'attachement qu'ils ont au Coran et à la Sunna et à la compréhension des premiers musulmans. Donc ça, c'est très très important de le connaître et de le comprendre. Exactement. Et par rapport à ce sujet, franchement, j'en ai parlé plusieurs reprises, et aussi j'avais partagé exactement, effectivement, et c'est comme tu dis, il est important de connaître, de vérifier de qui on apprend la religion pour être capable de justement se préserver des égarements. Et j'avais écrit un petit texte sur Internet, justement, par rapport à ce sujet. Et j'avais mentionné, justement, que par exemple, Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est né en 260, il est mort en 324. Tandis que si on regarde les quatre imams des madahib de Ahl-Sunnah, Abu Hanifa, son nom c'est An-Nu'man ibn Thabit. An-Nu'man ibn Thabit. Il est né en l'an 80 et il est mort en l'an 150. Rahimahullah. Et ça c'est de, selon le calendrier Hijri. Donc il est mort bien avant de l'an 260. L'imam Abu Abdullah Malik ibn Anas, il est né en l'an 93, il est mort en 179 de la Hijra. L'imam, et lui il était à Médine, c'est l'imam de Médine, imam Udar al-Hijra, rahimahullah. L'imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah, qui est né en l'an 150 et qui est mort en l'an 204 de la Hijra. Il est donc né avant et il est mort avant également la naissance de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Hein? Et Abu al-Hassan al-Ash'ari, son nom au complet, c'est Ali ibn Ismail. Ali ibn Ismail al-Ash'ari al-Basri. Et donc, l'imam Ahmad ibn Hanbal, sa kunya c'est Abu Abdullah aussi. Donc il y a trois imams qui ont leur kunya Abu Abdullah. L'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad. Les trois s'appellent, leur kunya c'est Abu Abdullah. Et l'imam Ahmad, donc Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il est né en l'an 164 et il est mort en l'an 241. Rahimahullah. Donc ça veut dire que lui-même, l'imam Ahmad, il est mort 20 ans à peu près avant la naissance de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et donc ça c'est une preuve que ces imams-là, on ne peut pas prétendre qu'ils étaient Ash'ari. Donc comment quelqu'un il se dit aujourd'hui, je suis Shafi'i, je suis Maliki, je suis Hanafi, je suis Hanbali, et puis il dit qu'il est sur la aqidah ash'ariya, c'est une contradiction. Hein? Et pas seulement ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres imams, si on regarde comme il faut. L'imam al-Bukhari, qui est né en 164 et qui est mort en 256. Donc il est mort avant Abu al-Hassan al-Ash'ari. L'imam muslim, il est né en 204, il est mort en 261. Donc il est mort une année après sa naissance. Donc quand l'imam muslim est mort, Abu al-Hassan al-Ash'ari il avait un an. L'imam al-Zuhri, lui il est mort en 128, bien longtemps avant. L'imam al-Awza'i, il est mort en 157. L'imam Ishaq ibn Rahouya, il est mort en 238. L'imam Abu Hatim al-Razi, il est mort en 277. Et l'imam Abu Zur'a al-Razi, il est mort en 264. Et l'imam Ali ibn al-Madini, rahimahullah, qui est mort en 234. Hein? Donc tous ces imams sont des imams de Ahl-Sunnah, parmi les grands imams des salafs. Et ils étaient tous nés et morts avant Abu al-Hassan. Comment toi tu viens, tu dis, ces imams-là, ils sont... Moi je suis son madhab. Mais dans l'aqidah, tu suis l'aqidah de quelqu'un qui est venu après et qui les a contredits. Hein? C'est ça le plus grave. Donc tout ça, c'est pour faire comprendre en fait la gravité de ça. Et pour continuer donc l'explication, il nous reste quelques minutes. Le cheikh, il dit, en ce qui concerne l'explication du verset, que c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que s'élève la bonne parole s'élève vers lui, de même que les bonnes actions l'élèvent. Le cheikh explique qu'il y a deux tafsirs, il y a deux explications par rapport à ce verset là. Certains parmi les savants, ils ont expliqué que la parole qui s'élève, ils disent yani ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. C'est-à-dire que certains ulama ont expliqué que la bonne parole, elle ne va pas s'élever vers Allah, sauf si elle est mise en pratique. Et une fois qu'elle est mise en pratique, c'est la bonne action, elle élève la bonne parole. Donc ça, c'est une explication que certains ulama ont mentionnée. Tandis que d'autres parmi les savants de tafsir, ils ont dit non, les deux s'élèvent vers Allah. La bonne parole s'élève vers Allah et les bonnes actions s'élèvent vers Allah, hein, indépendamment de l'autre. Indépendamment l'un de l'autre. Donc ça, c'est deux explications. Et après, le cheikh, il dit وَقَوْلُهُ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنْ أَيْنَ يَبْدَأُ التَّدْبِيرُ يَبْدَأُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ لِمَاذَا لِأَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ فِي الْعُلُوِّ وَلَوْ كَانَ تَحْتْ أَوْ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَمْ يَصِحُ هَذَا لَمْ يَصِحُ هَذَا الْكَلَامِ. Donc le cheikh, il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite dans l'autre verset qu'on a lu, c'est-à-dire le verset 5 dans surat al-Sajda, il contrôle les choses du ciel vers la terre, hein, ou du ciel à la terre. C'est-à-dire, il dit le cheikh, d'où est-ce que commence le contrôle? Il commence des cieux. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé dans les cieux. Et si Allah subhanahu wa ta'ala était en dessous ou à n'importe, dans tous les lieux, comme certains le disent, ou partout, eh bien, il n'aurait pas eu besoin de dire ça. Hein? Et donc, il dit le cheikh, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ الْأَرْضِ تَعَالَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيرًا لِأَنَّ الْأَرْضِ يعني أسفل والله فوق جميع المخلوقات جميع مخلوقاته ومن هناك يدبر أمر السماء والأرض سبحانه وتعالى من السماء ومن العلو إلى الأرض وإلى السفل سبحانه وتعالى أمور يدبرها سبحانه لا يعلمها إلا الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل إلى آخره وهذا التدبير كله مصدره من الله سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض فما يجري شيء في هذه الأرض إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته وهو فوق جميع مخلوقاته عال عليهم سبحانه وتعالى وهذا من صفات الكمال التي تليق بجلاله وعظمته أن يكون فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, c'est lui qui contrôle toutes choses. Et est-ce qu'il gère son ordre à partir de la terre? Il dit non, Allah subhanahu wa ta'ala, non, qu'il soit exalté, hein, d'une grande exaltation par rapport à ça. Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ses créations et non pas en dessous, hein. Et donc, il y a parmi les gens de Bid'a, par exemple, les Asha'ira, il y a des sectes parmi les sectes qui sont apparues récemment, un groupe qui s'appelle la secte des Ahbash. Okay? Et ce groupe-là, eux, ils ont des mosquées dans différents pays et dans différentes villes. C'est une organisation, en fait. Et certains ont mentionné que ceux qui les financent, c'est le gouvernement syrien, des Nusayriya. C'est eux qui les financent. Donc, c'est cette secte des Ahbash. Ils ont une mosquée ici à Montréal. C'est sur avenue du Parc. Et leur qibla n'est pas la même qibla que le reste des mosquées. Oui, ils ont une autre. Eux, ils prient vers le sud. Oui, et ils nient les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que de prier les morts et de prier les tombes, que ça c'est permis en islam. Donc ils incitent les musulmans à faire le shirk. Et ils célèbrent le maulid, la bid'a du maulid. À chaque année, ils font des parades dans la rue avec des chars et des décorations. Puis ils font cette bid'a. Donc ces gens-là, les Ahbash, ils ont des mosquées aussi à Philadelphie. Ils ont une mosquée, ils ont des mosquées en France. Et leur base, leur centre est au Liban. Leur base et leur centre est au Liban. Donc ces gens-là, ils ont même une école à Montréal. Et je pense que leur école, c'est l'école Ali ibn Abi Talib. Leur aqida est très dangereuse. Et leur voix est très grave. Et eux, ils font le takfir de tous les grands ulamas de l'islam. Et ils déclarent, par exemple, Cheikh ibn Taymiyyah, il le déclare kafir. Et il déclare kafir Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, tous ceux-là sont des kuffars pour eux. Oui, exactement. En fait, si tu rencontres un d'entre eux, moi ça m'est déjà arrivé, tu leur dis, et moi je me rappelle, il y en a un d'entre eux, j'ai dit, Ar-Rahman wa ala al-Arshistawa. Il m'a dit, Anta kafir. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il refuse d'accepter que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est décrit lui-même. D'accord? Et donc, une fois, par exemple, j'ai discuté avec l'un d'entre eux. Et il m'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, maujoud bila makan. C'est ça qu'ils disent, eux. Allah n'a pas d'endroit, on n'a pas de lieu. Alors, j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il est au-dessus de sa création, tel qu'il l'a mentionné, hein, qu'il est élevé sur le trône. Alors lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, avant que Allah ait créé les cieux et la terre et toute la création, et il m'a dit, il était où? Oui, mais avant qu'il a créé l'eau, il dit, il était où? Attends, écoute. Non, il me pose cette question comme pour essayer de me mettre dans l'embarras pour me dire, comme si pour essayer d'établir un point. Alors moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, dis-moi, parce que ça, en réalité, cette réponse que je lui ai dit, c'est pas de moi-même, c'est la réponse de l'imam Ahmad dans son livre « Ar-Raddu ala al-Jahmiya ». Dans son livre « Ar-Raddu ala al-Jahmiya », il a répondu par cette réponse. Et quand je lui ai donné cette réponse, il pouvait plus dire rien d'autre après. Lui, il m'a dit, avant que Allah ait créé les cieux et la terre, il était où? Alors moi, je lui ai posé la question. Et lorsque Allah a créé les cieux et la terre, j'ai dit, il l'a créé où? Et j'ai dit, l'imam Ahmed, il a dit, il y a trois possibilités. Et il y en a deux de ces possibilités. Si tu les réponds, tu vas être dans le coffre. Et il y a une autre possibilité, c'est la seule qui est acceptable selon la croyance des musulmans. Et c'est la troisième. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, soit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création en lui-même. Et ça, c'est kufr. Parce qu'il n'y a rien de créé en Allah. Il lui a dit, soit qu'il l'a créé en lui-même, puis après il l'a sorti de lui-même. Et ça aussi, c'est kufr. Parce qu'il n'y a rien de créé en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, et la troisième possibilité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création à l'extérieur de lui-même. Et c'est ça la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création et que la création est séparée de lui-même et qu'il est au-dessus de sa création. Et c'est pour ça qu'on dit, par rapport à ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans surat Az-Zumar, il dit, hein, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il dit, ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite. Et la terre, hein, قَبْضَتُهُ, ça veut dire il va en faire une poignée de la terre au jour de la résurrection. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. C'est-à-dire que les cieux, il va les plier dans sa main droite. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, à propos de ce verset, quand il l'a expliqué, il a dit, il a donné l'exemple, il a dit, l'univers pour Allah, toute la création pour Allah, c'est comparable à un grain de sel dans la main de l'un d'entre nous. Hein, ou un grain de sable. Donc tu prends un grain de sable, tu mets dans ta main, hein, c'est minuscule. Hein, c'est infiniment petit. Eh bien, tout l'univers, avec tout ce qu'on voit dans la création, et tout ce qu'on ne voit même pas, même les scientifiques aujourd'hui, ils te disent, l'univers est tellement grand, on ne peut même pas imaginer sa grandeur. Et même, ils disent, ces koufars scientifiques, soi-disant, ils disent que l'univers même est en expansion. Ils ne peuvent même pas imaginer où est-ce que ça s'arrête et où est-ce que ça se finit. Et combien de millions, de milliards de galaxies qui existent? Il dit, on ne sait pas. Même, ils disent, qu'est-ce qu'on voit là avec nos yeux quand on regarde dans le ciel? Il dit ça là, c'est des images qui nous sont envoyées de l'espace, de il y a comme je sais pas de combien de millions d'années-lumière. Hein? On ne sait pas. Peut-être que la lumière de ces étoiles, pour qu'elles nous atteignent, ils disent que ça a pris des millions d'années-lumière. On ne sait pas aujourd'hui si ces étoiles-là existent encore. Peut-être qu'elles sont déjà mortes. Mais c'est le temps que la lumière a pris, soi-disant, pour parcourir le trajet pour arriver jusqu'à nos yeux. Ça, c'est ce qu'ils prétendent. Allahu alam. Mais à la kulli hal, c'est juste pour dire. Hein? Cette immense création-là, ça, c'est seulement sama ad-dunya. Sama ad-dunya. Parce que Allah dit, وَزَيَّنَّ السَّمَا الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ. Nous avons enjolivé le ciel de la dunya, le plus bas des cieux, avec des étoiles, hein, des lanternes, comme il l'a mentionné. Et au-dessus de ces cieux-là, il y en a sept autres. Ça veut dire, imagine, hein, c'est-à-dire, ça c'est un univers, puis il y a d'autres univers. Donc, on ne peut même pas savoir, imaginer même la grandeur de tout ça. Eh bien, ça, c'est tellement immense pour nous, mais pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est comme même pas un grain de sel, hein, par rapport à nous, quand on met un grain de sel dans notre main. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Hein? Et donc, tu ne peux pas imaginer Allah, subhanahu wa ta'ala, et sa grandeur. Donc, il contrôle tout ce qui se passe dans la création à partir du ciel, c'est-à-dire au-dessus de sa création. Et il dit, quand on dit qu'il contrôle tout, hein, qu'est-ce qu'il contrôle? Il dit, il n'y a personne qui sait tout ce que Allah contrôle, excepté Allah. Parce qu'il donne il crée des choses, il donne la subsistance, il fait vivre, il fait mourir, il élève, il rabaisse d'autres. Hein, il fait ce qu'il veut. Et tout ce contrôle et toute cette gestion de la création, tout ça, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à partir des cieux vers la terre. Donc, il n'y a rien qui se passe sur terre, excepté par le contrôle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa volonté, hein, par son vouloir. Et il est au-dessus de toutes ses créatures et élevé au-dessus d'eux. Et ça, ça fait partie des attributs de perfection, hein, qui conviennent à la majesté et à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est au-dessus de toutes les créatures subhanahu wa ta'ala. Oui, à ce sujet, justement, il y a un chapitre, on va en parler, ça c'est pour réfuter Al-Hululiyya, ce qu'on appelle Al-Hululiyya, c'est-à-dire ceux qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala est mélangé avec sa création. Et eux, ils se basent justement sur ces versets-là. Par exemple, le verset qui dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, c'est-à-dire nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Mais il y en a d'autres versets aussi, comme par exemple, il dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ لَا مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا. Donc eux, ils se basent sur ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il est avec vous là où que vous soyez. Ou bien le verset qui dit, il est plus près de vous que la veine jugulaire. Et il est plus près de vous que vous. Nous sommes plus près de lui que vous, mais voilà qu'il a tout besoin. Vous ne le voyez pas. Donc tout ça, c'est des versets que les gens de Hulul, ils prennent pour essayer de justifier leur fausse croyance. Du fait qu'ils prétendent que Allah se mélange avec sa création. Alors que ça ne veut pas dire ça, et les salafs, ils ont expliqué que la proximité d'Allah et le fait qu'il est avec sa création et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est plus près de nous que notre veine jugulaire, les salafs, ils ont expliqué, comme par exemple quand il a mentionné le fait qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, ou de notre veine jugulaire, il a mentionné par rapport aux anges qui sont à côté de nous, qui sont à droite et à gauche et qui écrivent toutes nos actions et nos paroles. Donc, il est avec nous par sa connaissance, par sa science, par sa vue, par son ouïe, hein, et non pas mélangé, hein, avec sa création, comme le prétendent les soufis ou les chrétiens ou les bouddhistes ou les hindous, hein, qui croient en une forme de panthéisme, hein, l'idée que tout est Allah et que Allah est dans toutes choses et qu'il est mélangé avec sa création, ou la croyance de certains parmi les soufis qui croient en Wahdatul Wujud. Non, mais il l'a mentionné dans le Coran et même les salafs ils l'ont mentionné aussi. Comme par exemple le verset qui parle de An-Najwa, eh bien, c'est dans Surat Al-Mujadala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si tu regardes le verset, il commence en disant Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Donc il commence par mentionner Al-Ilm. Et après, il dit, donc, ne sais-tu pas que Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Après, il dit, ma yakunu min najwa thalathatin illa rabi'uhum wa la khamsatin illa sadisuhum ila akhiri. Puis à la fin du verset, hein, wa huwa ma'akum ayna ma kanu, wa huwa ma'ahum ayna ma kanu. Après, il dit, thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah, inna Allah bi kulli shay'in alim. Et Allah est connaissant de toutes choses. Donc, il débute le verset par la science et il parle de, hein, du fait qu'il est avec sa créature. Puis après, il termine le verset par sa science. Ça nous donne la compréhension de quoi? Du fait qu'il est proche de nous et qu'il est avec nous, avec sa science. Hein? Donc, c'est comme ça que les salafs ont compris les versets, hein, à ce sujet-là. Et non pas comme les soufis qui ont justement essayé de déformer la signification pour faire croire, hein, une forme de hulul quelconque. Déjà même dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit, hein, la destinée de toute la création 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc ça, c'est clair dans ce cas-là que il sait tout ce qui va arriver à l'avance déjà. Hein? Non, ça c'est clair. Et de toute façon, comme on dit, il sait tout par sa science, il sait tout par par sa vue, il est avec nous par sa vue, par sa science, par son ouïe, et ainsi de suite. Donc, yani, ça c'est à ce sujet. Donc, on va s'arrêter ici pour ce cours-là aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.